L'escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran, ses conséquences sur la stabilité du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a connu une escalade militaire majeure avec la participation des États-Unis à des opérations directes contre l'Iran, ce qui représente un changement stratégique important dans la dynamique de la région. Cette intervention a créé une situation d'incertitude politique et militaire avec des objectifs différents entre les parties impliquées, notamment les États-Unis, Israël et l'Iran. Cet article vise à analyser les événements de manière neutre en se concentrant sur les objectifs déclarés, les résultats possibles et les défis futurs. 1. Contexte de l'escalade. Contexte historique. Cette escalade s'inscrit dans un contexte de tensions de longue date entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Ces tensions concernent principalement le programme nucléaire iranien, le soutien de l'Iran à des groupes régionaux comme le Hezbollah et le Hamas, et la lutte pour l'influence dans la région. L'événement déclencheur. Les rapports indiquent qu'une attaque militaire conjointe américano-israélienne a visé des installations iraniennes sensibles dans le but d'affaiblir ses capacités nucléaires ou militaires. Les détails précis sur les cibles de l'opération ou ses pertes n'ont pas encore été révélés. Les parties au conflit. Les États-Unis. Ils cherchent à mener des frappes limitées pour dissuader l'Iran sans glisser vers une guerre totale. Israël, il voit la situation actuelle comme une opportunité pour neutraliser la menace iranienne, surtout avec l'affaiblissement de ses alliés au Liban, en Syrie et à Gaza. L'Iran, il maintient une réaction floue jusqu'à présent, avec la possibilité d'une réponse plus forte via ses intermédiaires régionaux, proxy, ou en renforçant son programme nucléaire comme moyen de dissuasion stratégique. 2. Objectifs déclarés et stratégie. Les États-Unis. Objectif, affaiblir l'infrastructure militaire ou nucléaire de l'Iran pour retarder sa progression dans la course à l'armement. Stratégie, s'appuyer sur des frappes précises avec une technologie avancée pour minimiser les dommages collatéraux et éviter de provoquer une large réponse iranienne. Israël, objectif, éliminer la menace iranienne de manière décisive en ciblant les capacités nucléaires ou les dirigeants du régime. Stratégie, exploiter la supériorité aérienne et en matière de renseignement pour mener des raids répétés tout en faisant pression pour un soutien américain plus large. L'Iran, maintenir une réaction floue jusqu'à présent avec la possibilité d'une réponse plus forte via ses intermédiaires régionaux, proxy, ou en renforçant son programme nucléaire comme moyen de dissuasion stratégique. 3. Premiers résultats et défis. Résultats militaires. Des sources non confirmées ont rapporté que les frappes ont touché des cibles importantes, comme des sites de centrifugeuses ou des installations militaires. Cependant, l'efficacité de ces frappes pour arrêter le programme nucléaire iranien reste incertaine, car on pense que l'Iran a déplacé certains de ses actifs vers des sites secrets. Le fait qu'Israël ait obtenu une supériorité aérienne temporaire lui permet de mener de futures opérations, mais cela pourrait augmenter les risques d'escalade. Défi stratégique, l'incertitude sur le programme nucléaire iranien. Le savoir-faire scientifique iranien ne peut être détruit par des frappes militaires, ce qui signifie que le retard ne pourrait être que temporaire. La cohésion du régime iranien, il n'y a pas de signe clair d'un effondrement interne imminent, malgré les pressions économiques et militaires. Les risques régionaux. L'escalade pourrait activer les intermédiaires de l'Iran en Irak, au Yémen ou au Liban, ce qui élargirait le conflit. Le dilemme israélien. Les dirigeants israéliens sont tentés d'étendre les attaques pour obtenir un changement de régime, mais cela pourrait conduire à un isolement international et à des coûts économiques et militaires très élevés. Ainsi, 4. Conséquences internationales. Position des alliés occidentaux, des pays européens comme la France ont exprimé leur inquiétude face aux conséquences, surtout si les opérations dépassaient les lignes rouges, comme les tentatives d'assassinat de hauts dirigeants iraniens. Cela pourrait être vu comme une violation du droit international. Réaction régionale, des pays comme la Turquie et le Qatar pourraient profiter de la situation pour renforcer leur influence en tant que médiateurs ou pour soutenir leurs propres intérêts. Équilibre mondial. Le conflit pourrait affecter les marchés mondiaux de l'énergie, surtout si l'Iran cible le détroit d'Ormuz ou les infrastructures pétrolières des pays du Golfe. 5. Scénario futur. Scénario de désescalade. Si les parties se limitent à des réponses limitées, le conflit pourrait être contenu grâce à une médiation internationale ou à des négociations indirectes. Scénario d'escalade, si l'Iran répond avec force ou si Israël étend ses opérations, la situation pourrait évoluer vers une guerre régionale ouverte. Scénario d'impasse, la poursuite de frappes réciproques de faible intensité sans solution politique, ce qui épuiserait les ressources des parties sans atteindre d'objectifs stratégiques clairs. Conclusion, l'intervention militaire américaine contre l'Iran représente un tournant dangereux au Moyen-Orient où des objectifs divergents s'affrontent et les risques augmentent. Malgré les succès tactiques initiaux, les défis stratégiques demeurent, y compris l'incertitude sur le programme nucléaire iranien et la cohésion de son régime. Pour éviter une guerre totale, un dialogue diplomatique intensif et une intervention de la communauté internationale sont nécessaires pour contenir l'escalade et restaurer la stabilité régionale.